Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 3, Gaumet du Pré 1862. Question 8. Du don d'intelligence. Existence du don d'intelligence. Comment il se coordonne avec la foi? Est-il dans tous les hommes qui sont en état de grâce? Ses caractères. Ce qui lui correspond parmi les béatitudes et les fruits. 1. L'intelligence était l'un don du Saint-Esprit. Isaïe nous marque que l'intelligence est un don du Saint-Esprit, en disant, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence reposeront sur le juste. Isaïe 11, 2. Notre intelligence est une faculté qui s'attache au fond des choses pour les pénétrer dans ce qu'elles ont de plus intime. La substance cachée sous les accidents, l'idée signifiée par la parole, la vérité renfermée dans la figure, la cause contenue sous les faits, l'intelligible déguisé sous le sensible, voilà son objet. Mais, quelle que soit sa pénétration, elle est limitée dans sa vertu, et ses forces ne dépassent point certaines bornes. Pour parvenir à la connaissance des vérités révélées, qui sont au-dessus de sa portée, elle a nécessairement besoin d'une lumière surnaturelle. Or cette lumière surnaturelle, donnée d'en haut, s'appelle don d'intelligence. 2. Le don d'intelligence peut-il exister simultanément avec la foi? Le don d'intelligence peut se concilier avec la foi de la manière que l'indiquent ces paroles de l'Évangile. Le Seigneur ouvrit l'intelligence de ses disciples pour qu'ils comprissent les Écritures. Luc 24, 45. Saint Grégoire nous fait comprendre cette union en disant que le don d'intelligence éclaire notre esprit sur ce que notre oreille entend. Il y a dans les divins enseignements des vérités qui sont directement et par elles-mêmes l'objet de la foi, telles que la trinité des personnes divines dans l'unité de nature, l'incarnation du Verbe et autres de même genre qui surpassent tellement notre raison que nous ne pouvons les percevoir tant que dure l'état de foi. Mais il y a aussi des choses secondaires qui se rapportent à ces vérités, et que nous trouvons ça et là dans l'Écriture sainte, celles-là, nous pouvons, avec le don d'intelligence, les saisir et les comprendre. Quant aux premières, que nous ne connaissons qu'imparfaitement, le don d'intelligence sert uniquement à nous montrer que ce qui paraît les contredire ne leur est pas opposé réellement, et que les objections que l'on fait valoir contre elles ne sont pas un motif de les rejeter. Il les met ainsi à l'abri de l'erreur, tout en laissant subsister en nous l'état de foi. 3. Le don d'intelligence est-il un don simplement spéculatif, ou bien est-il encore un don pratique? Si ce don n'était que spéculatif, on ne comprendrait pas ces paroles de David, « L'intelligence est le partage de ceux qui agissent selon Dieu. » Psaume 110, 10. Les bonnes actions ont des rapports avec la foi, qui, pour parler avec l'apôtre, opère par l'amour. Galates 5, 6. Par cela même le don d'intelligence, qui se rapporte à tout ce qui concerne la foi, s'étend aussi aux actions humaines, en tant que la raison supérieure, à laquelle il s'ajoute en la perfectionnant, s'attache, dans la conduite de la vie, à méditer et à prendre pour règle les vérités de l'ordre éternel. 4. Le don d'intelligence est-il dans tous ceux qui ont la grâce sanctifiante? Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres. Jean 8, 12. Ces paroles du Sauveur signifient manifestement que celui qui a la grâce a aussi le don d'intelligence. L'homme qui a la grâce sanctifiante a la droiture de la volonté. Or la volonté, si droite qu'elle soit, ne peut pas se porter au bien sans une certaine connaissance de la vérité, parce que l'objet de la volonté est le bien que nous connaissons. En même temps donc que, par le don de charité, l'Esprit Saint dispose notre volonté à se porter vers les biens surnaturels, il éclaire aussi, par le don d'intelligence, notre esprit, et lui fait connaître la vérité surnaturelle vers laquelle toute volonté droite doit se porter. Il suit de là que tous ceux qui ont la grâce sanctifiante ont par là même le don d'intelligence. Note. Plusieurs de ceux qui sont dans l'état de grâce ne laissent pas d'avoir un esprit borné. Quelques-uns ne comprennent en aucune façon les vérités que la foi leur propose à croire. Cependant, l'Esprit Saint les instruit suffisamment sur les choses qui sont de nécessité de salut. Tous comprennent qu'ils sont obligés de croire les vérités divines et qu'ils ne peuvent s'en écarter. Observons que, pour ce qui est des choses non nécessaires au salut, le don d'intelligence est parfois retiré même aux plus grands saints, afin que, ne comprenant pas tout clairement, ils n'aient pas sujet de s'enorgueillir. Fin de la note. 5. Le don d'intelligence est-il dans ceux qui n'ont pas la grâce sanctifiante? Celui qui possède le don d'intelligence vient au Christ, le Seigneur lui-même a dit, « Quiconque a écouté le Père et a appris de lui qui je suis, celui-là vient à moi. » Jean 6, 45. On ne vient au Christ qu'avec la grâce sanctifiante. Par conséquent, le don d'intelligence la suppose nécessairement. Nous n'avons le don d'intelligence que du moment où nous concevons une juste idée de notre fin dernière. Or celui-là seul envisage cette fin comme il faut qui, non content de ne point errer à son égard, s'y attache fortement comme au bien suprême, et c'est là le propre de l'homme qui a la grâce sanctifiante. Le don d'intelligence n'est donc pas dans ceux qui n'ont point cette grâce. 6. Le don d'intelligence se distingue-t-il des autres dons? Il se distingue des dons de piété, de force et de crainte, en ce qu'il appartient à la puissance intellectuelle, au lieu que cela appartienne à la puissance appétitive. Il se distingue ensuite des dons de sagesse, de science et de conseil, parce qu'il nous fait pénétrer ou saisir les vérités de la foi, tandis que la sagesse nous porte à juger sainement les choses divines et à nous y attacher, que la science nous donne une connaissance vraie des créatures, et que le conseil nous enseigne à appliquer ce que nous croyons à chacune de nos œuvres. 7. La sixième béatitude, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, etc. » répond-elle au don d'intelligence? L'intelligence, dit saint Augustin, convient à ceux qui ont le cœur pur, un œil purifié aperçoit ce que ne voit point celui qui ne l'est pas. La sixième béatitude, comme toutes les autres, renferme deux choses, la pureté du cœur, par forme de mérite, la vision de Dieu, par mode de récompense. L'une et l'autre appartiennent d'une certaine façon au don d'intelligence. Quant à la pureté, ce don ne produit pas précisément celle qui purifie la volonté des affections désordonnées, ceci appartient au don que reçoit la puissance appétitive, mais il produit cette autre pureté qui, complément de celle-là pour la vision de Dieu, dégage notre imagination de tout vain fantôme et de toute fausse idée sur la nature divine. Quant à la vision, s'il ne nous donne point ici-bas la vision parfaite de l'état de gloire, il nous confère du moins la vision imparfaite par laquelle, sans voir Dieu tel qu'il est, nous voyons parfaitement qu'il surpasse toutes nos conceptions, il consommera dans le ciel l'œuvre qu'il commence sur la terre. 8. Parmi les fruits, la foi répond-elle au don d'intelligence? Ce qui, dans cette vie, correspond, comme fruit, au don d'intelligence, c'est la foi, c'est-à-dire la certitude de la foi, Dans le ciel, c'est la joie qui appartient à la volonté. Markendanarchive.org 2020, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.